Moine simple, de poèmes par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Dominique Ducamus. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Moine simple. Ce convers recueilli sous la soutane bise cachait l'amour naïf d'un saint François d'Assise. Tendre, dévotieux, doux, fraternel, fervent, il était jardinier des fleurs dans le couvent. Il les aimait, le simple, avec toute son âme, et ses doigts se chauffaient à leurs feuilles de flamme. Elle lui parfumait la vie et le sommeil, et pour elle c'était qu'il aimait le soleil et le firmament pur et les nuits diaphanes où les étoiles d'or suspendent leurs lianes. Tout enfant, il pleurait aux légendes d'antan où sont tués des lys sous les pieds de Satan, où dans un infini vague fait d'apparence passent des séraphins parmi des transparences, où les vierges s'en vont par de roses chemins avec des grands missels et des palmes aux mains vers la mort, accueillante et bonne et maternelle à ceux qui mettent l'or de leur espoir en elle. Au temps de mai, dans les matins auréolés et l'enfance des jours vaporeux et perlés qui font songer aux jours mystérieux des limbes et passent couronnés de la clarté des nimbes, il étalait sa joie intime et son bonheur à parer de ses mains l'autel pour faire honneur à la très douce et pure et benoîte Marie, patronne de son cœur et de sa closerie. Il ne songeait à rien sinon à l'adorer, à lui tendre son âme entière à respirer. Rose blanche, si frêle et si claire et si probe qu'elle semblait n'avoir connu de jour que l'aube. Et qu'au soir de la mort, où sans aucun regret jusqu'au jardin du ciel elle s'envolerait doucement de sa vie obscure et solitaire, n'ayant rien laissé d'elle au buisson de la terre. Le parfum, exhalé dans un soupir dernier, serait depuis longtemps connu du ciel entier. Fin de Moine simple.